actuelle, hein, depuis ces grands ensembles, c'est pas la même. Ouais. C'est pas la même vue. Là, on regrette vraiment l'ancienne cité. Et vous connaissez beaucoup de gens qui ont vécu donc ici avec l'ancienne cité ? Ils sont tous partis. Ils sont tous partis, hein. Plus beaucoup maintenant. Il y a beaucoup qui sont décédés et beaucoup qui sont partis d'ici. Et c'est bien dommage. Et quel type de bruit il y avait alors à cette époque-là ? Oh, il n'y avait pas tellement. Bon, il y avait des mobilettes pareil, hein, ouais. Mais enfin, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Là, on se disputait pas avec les voisins, ni rien du tout. Ouais. On était vraiment. Vraiment amis. On allait chez eux, ils venaient chez nous, on était vraiment intimes avec tout le monde. Oui. Et on se connaissait tous. Mais bon, je veux dire, il y avait quand même de la vie qui se passait ici, là, par exemple, dans cet endroit-là. Il y avait la route, là. Il y avait la route, là, qui passait, entre les deux. Mais il y avait plusieurs, parce qu'il y en avait tellement, des petites routes. Oui, c'est ça, c'était des tout petits chemins. Oui, c'était toutes des petites routes. Puis il y avait souvent les fêtes, maintenant, c'était depuis qu'ils ont construit.